Salut les amis, alors en préambule de cet épisode avec Régis Canon, je tenais à rétablir une vérité. Dans l'épisode précédent avec Serine Ayari, j'ai annoncé que avec elle, donc c'était le premier épisode avec un ou une humoriste belge. Et le problème, c'est que j'avais oublié que j'avais eu l'honneur de recevoir Monsieur Guillermo Guise dans le podcast, mais je sais d'où vient cette erreur. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que la Belgique nous l'a prêté que maintenant on considère qu'il est à nous. Donc vraiment désolé pour cet oubli, et cette fois-ci, je vous annonce le troisième épisode avec un humoriste belge, Monsieur Régis Canon, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut! Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un humoriste belge. Hein, je continue dans ma série des humoristes belges. Quelqu'un qui a un podcast également qui s'appelle Humeur humoristique que je vous invite à écouter, Monsieur Régis Canon. Bonjour, ça va? Bonjour Régis, ça va, merci et toi? Ça va super, merci de me recevoir. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Tu fais de l'humour depuis combien de temps à peu près? Ah, moi ça fait. J'ai commencé la première scène en 2013. J'ai fait un premier concours d'humour cette année-là. D'accord, ok. Donc ça fait à peu près 7 ans que tu es dans l'humour, quoi. Oui, mais c'est pas très régulier parce que je travaille le soir et donc ça limite mes nombres de Et oui. scènes, mais j'ai commencé en tout cas en 2013. D'accord, très bien. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, j'ai pensé à deux anecdotes en particulier, Oui. si ça te va. Ah, bien sûr, bien sûr. On prend tout Alors dans là. Galère d'humoriste, on prend tout. Ah, ben parfait. Ben, la première, c'était un festival d'humour assez loin de chez moi. On devait faire 7 minutes. Oui. Et si on dépassait le temps, on était directement éliminé. Donc, il y avait un petit stress sur le timing. D'accord. Déjà, ça commençait un peu Ouais. stressant. C'était un de mes premiers festivals d'humour, donc j'étais stressé. Moi, je suis En déjà plus, quelqu'un de très, très nerveux au ouais. départ. Et donc, j'arrive sur place. On devait avoir sa piste audio et un peu, on devait dire ce qu'on voulait pour la lumière, pour la musique et tout ça. Donc, moi, je vais voir le régisseur, qui n'est pas du tout un régisseur. Parce que C'est un agent municipal. Oui, ben c'est un gars qui je sais pas, il traînait dans la rue, on lui a demandé de venir, je ne sais pas, je ne le connaissais pas personnellement. Mais donc j'arrive dans la pièce où il y a, parce que c'est un vrai théâtre, hein, c'est une belle salle et tout, et il y a tout le matos qu'il faut pour faire des beaux éclairages, un bon son, mais il faut pour ça quelqu'un qui sait utiliser ce matériel, ce qui n'était pas le cas. Donc moi j'avais juste une piste audio à faire passer pour mon entrée, et je lui avais demandé, est-ce que quand je dis noir, tu peux couper la lumière, et quand je dis lumière, tu peux l'allumer. Oui. Vraiment très basique. Je On va l'ai. dire, ouais, t'es pas parti dans les termes techniques, machin, voilà, Ah non, vraiment. non, non, j'étais dans la pièce avec lui, j'ai vu ce qu'il fallait faire. Pour la musique, c'était un CD avec une seule piste, il fallait appuyer sur play et puis appuyer sur pause, c'est tout. Pour la lumière, c'était un petit curseur que tu montes vers le haut pour l'allumer et vers le bas pour l'éteindre. Jusque-là, il pouvait y Ah, arriver. tu dresses un chien, il peut le faire. Hein. C'est très très simple. Un enfant peut le faire. Enfin, je veux dire, tout le monde peut le faire. Je ne comprends pas. Ouais. Voilà. Donc, quand on m'annonce, il doit lancer la musique. Puis après, je lui fais un signe de la main. Il coupe la musique. C'est tout ce qu'il D'accord. avait. Donc, on a le timing qui est. On nous dit, attention, le timing commence dès qu'on lance votre musique d'entrée. Donc, OK. Moi, Alors, juste une question, excuse-moi, pardon, par rapport au chrono. Est-ce que sur scène, vous voyez le temps ou pas? Est-ce que vous aviez une On a projection? juste un petit truc qui s'allume quand il nous reste 30 secondes. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est dur, ouais. Eh Et oui. donc, moi, on m'annonce, donc on fait le prochain qui passe, parce qu'il y avait un petit public composé de 7 personnes réparties sur 200 places en après-midi, ce qui était sympa aussi. Ouais. Et donc, on m'annonce, donc le prochain, il s'appelle Régis Canon. Et donc, moi, j'attends qu'on lance ma musique. Là, je sais que le temps est lancé puisqu'on m'a annoncé, mais ma musique ne se lance jamais. Après avoir perdu 15 secondes à attendre qu'une musique arrive, ben je monte sur scène et je fais un peu taper des mains pour essayer de mettre une petite ambiance, quelque chose. Et je commence mon sketch, je commence à parler, et quand je commence à parler, il lance la musique. Alors, petite question, est-ce que le régisseur était le père d'un des autres candidats? Ça aurait pu, franchement, s'il voulait m'éliminer de la compétition, c'était vraiment la marche à suivre. C'était... Oh, punaise. Et donc, moi, je commence à parler, il lance la musique, donc on n'entend pas mes deux premières vannes, je crois qu'il y a 30 secondes dans mon sketch qui n'est pas entendu. Oh. Et après, je fais un symbole pour qu'il coupe la musique, donc les gens font « mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il parle en même temps que la musique ? Pourquoi il fait des gestes ? On ne comprend pas ?» Et donc, mes premières vannes sont tombées, mais moi, j'ai plus le temps de revenir sur ce que j'ai dit, parce que certains l'ont entendu, d'autres pas. Enfin, je continue mon sketch en me disant « c'est mort, mais ce n'est pas grave ». Je continue, parce que c'est un concours, donc je sais que la performance est vraiment liée au fait d'être sélectionné ou pas. Donc, je me dis déjà dans ma tête « bon, bah, c'est mort pour aujourd'hui ». Tu as fini en détente, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, après, je lui dis, donc, à un moment donné, dans le sketch, je dis « noir, il doit éteindre la lumière ». Et il n'éteint pas la lumière. Oh là là là là. Donc, il y a juste un gars sur scène qui, au milieu d'un sketch, dit noir sans raison. On dirait une mauvaise vanne dans un sketch raciste, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Genre, il fait des blagues et d'un coup, c'est qu'il a vu qu'il y avait une famille de noirs dans la salle. Noir ! Tu vois, genre vraiment la délation à l'ancienne, quoi. Ben, c'est ça. Oh. Et donc, juste un gars sur scène qui dit noir sans raison, qui regarde dans le vide. Comme ça. Et après, il éteint. Et donc après, je dis lumière. Et enfin, j'ai des phrases entre temps. Il y a une raison pour laquelle je dis ça. Mais quand je dis lumière, il ne rallume pas. Évidemment. Ça aurait été dommage qu'il reprenne un bon travail derrière, tu vois. C'est ça. Et donc après, tu as juste un gars qui parle dans le noir, sans raison non plus. Puis le sketch se finit. Je vois qu'il y a le temps qui commence à me manquer, donc je clôture sur une espèce de chute improvisée impressionnante. Et voilà, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que j'ai été sélectionné pour le festival, et bien la réponse est sûr non. T'as pas laissé durer le suspense. Je pense pas qu'il y avait de suspense, je pense pas que... T'aurais pu faire traîner un peu quand même. Non, je crois que ceux pour qui c'est le mieux passé, c'est ceux qui n'avaient vraiment rien du tout. Aucune lumière, aucune musique, et c'était très bien comme ça. Oui. Il y en a d'autres qui avaient vraiment une musique importante, un son à placer après une phrase. Eux, c'était mort. Il avait deux sons, les deux sons étaient inversés, donc ils disaient bingo, c'était une chaise qui se craquait. Il disait crack, c'était le bruit du bingo, enfin des maquillages. Ça n'avait aucun sens, quoi. Oh là là, mais c'est vraiment une horreur, quoi. Ah ben oui, oui. Et le gars, je l'ai vu au bar, le régisseur, et il me dit, je pense que je me suis trompé à un moment. Et moi, je lui dis, ouais. Je crois que le mieux, c'est le je pense. Il était encore sur interrogation, lui. Moi, c'est plus sur une certitude. Toi, t'en étais persuadé. D'ailleurs, c'est-à-dire, tu l'as laissé vivre combien de temps avant de l'égorger ? Je ne répondrai pas à cette question. Je ne l'ai pas. Oui, la police enquête encore. Mais pas du tout, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Là, oh, mon Dieu. Là, je laisse du suspense. Ah, mais là, vraiment, c'est balèze. Hein. Parce que le coup des régisseurs foireux, on en a tous eu. Mais là, quand même, le mec, il a rien réussi sur tout le truc. Parce que autant un faux départ, ça peut arriver, tu vois. Mais vraiment, qu'il te flingue tout le passage, c'est du sabotage, quoi. C'est pas possible. C'est un saboteur professionnel. Hein. Ah là, oui. Je pense que sa tête est mise à prix par les humoristes, hein, je pense. Je pense, oui. Oh. Et est-ce que c'est lui, ça c'est important, est-ce que c'est lui qui mettait la fameuse lumière à la fin pour te dire « il te reste que 30 secondes » ? Non, ça c'était le gars qui lançait le timer pour savoir combien de temps il nous restait. Eh bien, tu vois, c'est ce mec-là à qui il aurait fallu confier ta régie. Oui, oui. Après, il était à l'heure, tu vois, et il a fait son taf. Oui, lui, il a fait son taf, mais nickel, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas eu de retard ni quoi que ce soit, non. Ben, tu vois, ça aurait été tellement mieux que le régisseur s'occupe du timing. Du coup, vous auriez eu 19 minutes chacun, c'est cool, non? C'est ça. Ben après, si tu as 19 minutes de sketch, mais que tu en avais prévu un de 7, c'est compliqué aussi quand même. Oui. Bon, en même temps, je pense que vu ce qui s'est passé pour toi, tu as joué 7 minutes, mais à mon avis, c'était 19 dans ta tête. Ah, mais dans ma tête, c'est une vie complète. Hein. T'as vu grandir tes enfants et tout. Ah, mais quand j'ai dit noir et que je vois la lumière qui reste allumée et les gens qui me regardent, mais pourquoi tu dis noir en ne faisant rien ? Je voyais ma vie défiler, quoi. Oh là là. C'était sympa, ouais. Ah, c'est magnifique. Ah ben, je t'en prie, je t'en prie. Ah, là, franchement, là... cette anecdote, en plus, je veux dire, tu commençais l'humour, quoi. C'était... Ah oui, c'était un de mes premiers festivals d'humour et, ouais, c'était compliqué. C'était pas peut-être pas la première année, mais comme je fais pas énormément de scènes, c'est vrai que c'était peut-être dans mes 20 premières scènes de ma vie, quoi. D'accord, d'accord. Non, mais du coup, ça t'a vraiment, ça t'a permis de mettre les pieds dans le plat directement et de découvrir l'univers catastrophique de certaines scènes, quoi. Ah oui, ben là, je savais que à partir de là, j'ai compris, je ne demande plus rien à un régisseur tant que je ne suis pas sûr qu'il est vraiment régisseur, ça c'est clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Tu avais okay. une autre anecdote, tu m'as dit, oui? Oui, j'en ai une autre. C'est vraiment un gros, gros bide. C'est moins drôle spécialement que la première histoire parce que ça repose plus sur mes épaules que sur les épaules de quelqu'un d'autre. Mais en fait, le samedi soir, je fais la première partie d'un ami humoriste qui s'appelle Benoît Delabie. Benoît, ben je le connais, le Mons Comedy Club. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui qui... J'ai été joué chez lui. Benoît, c'est un amour. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer et je l'invite à me raconter ses anecdotes dès que possible. Vraiment, je pense qu'il doit avoir un paquet d'anecdotes lui aussi. Oh oui, il doit en avoir un paquet, oui. Mais donc... Ouais, je fais sa première partie, c'est un samedi soir, et on était deux premières parties. La première partie, c'était Nathan Drapa qui explose la scène, tout se passe bien. Je connais également, oui. Et également, il est le bienvenu dans le podcast. Hein. J'espère que je vais pouvoir faire tous les humoristes belges de la scène stand-up, que ce soit à Bruxelles, à Liège, partout. Ça marche, bah, je te les conseille, ils sont tous les deux très bons. Avec grand plaisir. Et donc ouais, ben, c'est lui qui fait la première partie, ça se passe bien, puis après c'est moi, et je pense que c'est mon meilleur spectacle de ma vie. Tout se passe super bien, tout rit, tout fonctionne, c'est standing ovation à la fin, les gens qui applaudissent, qui me font des commentaires derrière, qui veulent savoir quand est-ce que je joue la prochaine fois, magnifique, incroyable. Uh-huh. Et ça c'est donc le samedi soir, et le dimanche on refait la même chose, mais cette fois-ci on inverse, c'est moi qui passe premier et Nathan qui passe deuxième avant le spectacle de Benoît Delabie. D'accord. Et là, c'est un dimanche après-midi à 4 heures. Et donc, moi, j'arrive ultra confiant, encore super heureux de la scène précédente qui s'est super bien passée, en mode je suis le roi du monde. Je suis encore sous endorphine de la veille tellement que ça s'est bien passé. D'accord. Et je fais ma première vanne qui fonctionne d'habitude à chaque fois. À chaque fois que je l'ai faite, elle a toujours fonctionné depuis. Mais là, rien du tout. Pas la moindre réaction. Rien. Donc je me dis, ça va, c'est pas grave, j'en ai d'autres. La deuxième, rien. La troisième, rien. La quatrième, rien. Et c'était un quart d'heure. Mais pendant un quart d'heure, il ne s'est rien passé du tout. D'accord. Ah ouais, le tunnel, quoi. Ah oui, mais le tunnel de chez Tunnel, j'entendais juste des gens qui toussaient de temps en temps. Il y avait 5 minutes de pause, puis après quelqu'un qui fait... Oh là là, ah oui, d'accord. Au point où des fois, je me demandais, est-ce qu'ils m'entendent ? Est-ce qu'ils parlent la même langue ? Oui, et oui, parce qu'en Belgique, vous avez le problème des fois peut-être de tomber dans une salle où c'est... Enfin, pas là en première partie d'un ami, mais je veux dire, des fois, tu peux peut-être aller dans un comedy club et malheureusement, il y a tout un groupe de flamands qui est venu et peut-être que toi, bah, du coup, tu ne parles pas flamand. Puis de toute façon, ton sketch est en français, donc ça peut compliquer les choses. Oui, ça, c'est plus rare. C'est plus quand c'est des événements en plein air qui ne sont pas vraiment prévus pour l'humour. Là, tu peux avoir ce cas-là, mais dans un comedy club, généralement, c'est prévu qu'il y a un public et tout ça. Donc, c'est très rare que ça arrive, mais j'en connais à qui c'est arrivé dans des événements en plein air où c'est un marché et il y a un truc d'humour qui n'était pas prévu, mais ils ont fait une petite scène. Donc, ça peut arriver en Belgique. Oui. Là, on passe par là et s'arrête, quoi. Mais c'était arrivé dans une salle, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était à Sébastien Marx, que je salue également. Tu connais, oui? Oui, bien sûr. Voilà. Donc Sébastien Marx, si je ne dis pas de bêtises, il avait raconté, je crois, dans son podcast, qu'il avait joué en Suisse. Il avait joué en anglais, je crois. Ça devait être un truc anglais. Et il est tombé sur des gens qui parlent, du coup, des Suisses-Allemands, quoi. et il comprenait pas, ou alors il a joué en français et du coup c'était des Suisses allemands. Enfin, en tout cas, les gens dans la salle ne comprenaient rien à ce qu'il a dit, rien. Ouais, mais moi j'aurais aimé en fait qu'ils comprennent rien à ce que je raconte parce que tout le monde parlait, tout le monde parlait bien le français. Ah, c'est vrai que c'est plus vexant. Et du coup, tu penses que ça venait de quoi? Mais je pense que ça venait du fait que j'étais trop confiant en commençant. Je suis arrivé vraiment en me disant ça va bien se passer, alors que toutes les scènes avant, je me disais mais pourquoi je suis là? J'ai peur, j'espère que ça va rire. Alors que là, je suis arrivé en me disant ça va rire. Ben oui, on a tous eu ça déjà. Et en général, ça se passe à la deuxième scène. C'est-à-dire la première scène, la première fois qu'on monte sur scène, on a peur, on n'est pas sûr de soi, tout ça. Et la deuxième fois qu'on monte sur scène, on a un peu confiance, on se dit, bah, finalement, c'est facile l'humour. Et après, on y va et on se prend un four monumental, quoi. Ouais, mais là, c'était vraiment ça. Donc, 15 minutes où il ne se passe rien du tout. Et donc, ça devait durer 15 minutes. Je ne pense pas que j'ai tenu 15 minutes. J'ai dû couper certaines parties. Parce que quand tu remets ta vie en question au milieu d'un sketch, je pense que tu oublies cette... Et donc, à la fin de mon passage, je dis, voilà, c'est tout pour moi, je sais plus exactement ce que je dis. Mais il y a genre une personne qui clappe une fois d'une main, donc ça fait vraiment un seul petit clac, c'est tout. Et après, c'est Nathan qui passe derrière. Et est-ce que la personne qui a applaudi, c'était le régisseur de la première anecdote? Franchement, ça aurait pu. Ben oui, en mode, écoute, j'ai détruit ton passage la première fois. Cette fois-ci, je viens me rattraper. Je t'applaudis. Voilà. Ça aurait pu, écoute. Hein. Ah, ouais. Niveau karma, il voulait se racheter, mais ça n'a pas eu. Bon. Après ça, tu as le moment où, après le spectacle, tu es à côté de... Moi, je suis à côté de Benoît Delhabille, qui a fait un succès fou à son spectacle. Tout le monde est ravi. Et donc, moi, je suis à côté de lui. On discute un petit peu. Et tu as les gens du public qui viennent le féliciter et qui me regardent en me tapant l'épaule et en disant « ça va aller ». Alors, tu sais à quoi je m'attendais, parce que c'est une phrase quand même très courante. Je m'attendais au « bon courage ». Tu vois? Oui, mais c'était un peu ça qu'ils disaient avec leur. Mais yeux, c'était encore pire, le ça va aller, c'est en mode, tu viens de récupérer un oiseau tombé du nid, quoi. Genre, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas guérir. Oh. Ouais, mais là, c'était tombé du nid et écrasé par une voiture, tu vois. Oui, j'avoue, il restait pas grand chose du poussin, oui, j'avoue. Non. Oh, mais voilà. C'était un très bon souvenir. Depuis, j'ai vite arrivé. j'ai vite arrivé sur une scène maintenant. Je m'attends au pire et au moins comme ça, je ne peux que être surpris, agréablement surpris de si ça se passe bien. Mais ouais. Voilà, c'était dur. Des fois, je me réveille la nuit en me rappelant ce moment. Ah, si ça te donne encore des cauchemars. Si jamais tu croises Benoît Delhabille, je veux dire, est-ce que tu changes de trottoir au cas où? Ah non, on s'est revu beaucoup de fois après. Et c'est quelqu'un alors, est-ce que tu as refait sa première partie plutôt? J'ai pas refait sa première partie, mais il m'a souvent fait jouer au Mons Comedy Club. J'ai pu jouer mon spectacle complet une fois. J'ai pu jouer en première partie de Richard Ruben une fois. Donc non, vraiment aucun problème avec ça. Il n'avait pas compris non plus ce qui s'est passé. Ah non, bien sûr, non, mais c'est un amour, Benoît, c'est un amour. Non, je me doutais que lui ne mettait pas la faute sur toi, mais je me suis dit peut-être que depuis, tu avais eu l'occasion de rejouer en première partie de son spectacle pour un peu, comment dire, prendre une revanche. Non, mais j'ai pas pris une revanche en première partie à son spectacle, mais les fois d'après, ça s'est bien passé avec le même sketch. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, on ne sait pas compris. J'ai encore le visage d'une dame au premier rang qui me regarde avec une tête de « mais pourquoi ? Pourquoi ? Juste pourquoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce qu'il y a un sens ? Est-ce qu'on doit rire ?» C'était mes deux anecdotes. Eh bien, écoute, elles étaient croustillantes et je te remercie de les avoir partagées avec nous. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, moi, sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. À chaque fois, c'est Régis Canon Humoriste. Mais surtout, vous pouvez aller écouter, c'est le podcast qui s'appelle Humeur Humoristique. Au pluriel. Voilà. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast et il y aura un 23e invité ici le 28 décembre. Je ne sais pas quand est-ce que tu sortiras l'épisode, mais voilà. Donc, il y a plein d'humoristes. Mm-hmm. D'accord. Il y a un humoriste québécois, français, suisse, belge. Bon, principalement québécois et belge, mais il va y avoir d'autres épisodes qui vont arriver bientôt. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, j'écoute chaque épisode et franchement, j'aime beaucoup ce ton détendu et tout qu'il y a dans les interviews. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Tu leur demandes également leurs pires souvenirs de scène, leurs meilleurs souvenirs de scène. Donc vraiment, moi, c'est des choses qui me parlent. Et franchement, c'est très, très bien. J'invite tout le monde à aller te découvrir donc sur ce podcast et sur les réseaux sociaux. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Donc, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.